Vous me comprenez toujours en tangente. Vous, quand je vous dis quelque chose, vous essayez de comprendre par vous-même ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comprendre par vous-même, à travers vous-même, ce que je veux dire, parce que ce que je veux dire ou ce que je dis, c'est en dehors de vous-même. Mais vous essayez de comprendre ce que je dis par vous-même, à travers de vous-même. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis avec vos lunettes. C'est au fur et à mesure que vos lunettes se perdent leur couleur que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Quand je dis, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, vous dites, si on a une vibration, si on a une vibration de rien faire, on fait rien. Puis vous dites, mais il faut faire quelque chose. C'est la personnalité, ça. Si tu as une vibration de rien faire, tu fais rien. Mais votre personnalité se culpabilise, puis elle se dit, bon, mais je devrais faire quelque chose. Si tu as une vibration de rien faire, tu fais rien. Qui c'est qui t'empêche de faire quelque chose? Qui c'est qui t'empêche de rien faire si tu as une vibration de rien faire? T'as une personnalité. Si vous avez le goût de rien faire, là, vous restez vos fesses au soleil, là. Qui c'est qui va vous pousser à dos pour faire quelque chose? C'est votre personnalité. Si vous étiez dans la conscience, puis vous aviez la vibration de rien faire, vous feriez rien. Puis si vous aviez la vibration de faire quelque chose, vous feriez quelque chose. C'est pas la personnalité qui rentre. Que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, c'est la même chose pour la conscience. Moi, quand je fais rien, la conscience est la même chose. Puis quand je fais quelque chose, la conscience est la même chose. Moi, ma personnalité, elle s'en fout que je fasse quelque chose ou que je fasse rien. Mais vous autres, quand vous faites quelque chose, vous êtes content, puis quand vous faites rien, ça vous tombe sur les nerfs. D'accord, c'est pas que je fais quelque chose. C'est pas que je fais quelque chose. Fait que si ta conscience a vu que je reste sur le plan matériel, il m'a fait faire quelque chose, je fais quelque chose. Mais quand elle arrête de me faire quelque chose, il m'a fait d'autres choses, c'est un autre plan. Mais moi, universalité, je m'en fous que je fasse quelque chose ou que je fasse rien. Je suis bien des deux côtés. Comprenez-vous? Bon, ça a compris quelque chose. J'en conclue que si je suis consciente, ma conscience ne me dira pas de me tirer au soleil quand j'ai un mot de terre, quand j'ai des choses à faire dans ma vie. Vous en concluez. Ça vous dit ce que ça veut dire? Conclure, ça veut dire que votre personnalité vous rassure. Quand vous concluez quelque chose, c'est que votre personnalité vous rassure. Vous ne pouvez pas vous permettre de conclure. Arrêtez ça de conclure. À conclure que. Et maintenant, si votre conscience conclut autre chose, vous avez vibré tout à l'heure. Vous n'avez pas de conclusion à tirer de la vie. Il n'y a pas de conclusion dans la vie, ça ne se conclut pas une vie. C'est toujours au désir de faire quelque chose. C'est toutes des mauvaises habitudes qu'on a. Des formes que je détruis au fur et à mesure que je vous parle, je ne peux pas vous parler de toutes sortes de choses en même temps, ça me prend d'ici long. Mais c'est tous des petits détails. Des petits détails importants, c'est de la mécanique. C'est des mauvaises habitudes, puis on est fait de mauvaises habitudes. C'est ça, notre personnalité, de la personnalité, c'est un amoncellement de mauvaises habitudes, la personnalité. La personnalité, toute la personnalité, toute, c'est toutes des mauvaises habitudes. Toutes. Moi, je pourrais prendre toutes vos personnalités, puis toutes vous donner les mauvaises habitudes de vos personnalités qui font vos personnalités quelles qu'elles sont. Toutes vos personnalités qui sont faites de mauvaises habitudes. Quand tu tues les mauvaises habitudes, tu n'as plus de personnalité. A conclu que. Vous tirez des conclusions sur la vie, vous tirez des conclusions, fait que vous devenez philosophique. Qu'est-ce qui arrive quand vous devenez philosophique? Vous êtes obligé de croire à votre philosophie. Quand vous croyez à votre philosophie, vous êtes fini. Ça, c'est né autour du cou. Quand tu crois à ta philosophie. Si vous êtes capable, tant mieux. N'essayez pas de me raisonner, je suis pas raisonnable. Pourtant, je suis un être raisonnable. Ça se comprend pas ce que je dis, ça c'est suffisant. Fait qu'on a rien à savoir, on t'en aime, écoutez. Quand vous le saurez, vous le saurez. Ça c'est ce que je dis. Pas de seul à savoir. Tu le savais, puis il y a des gens qui savent. C'est universel, cette affaire-là. Ça appartient pas à la personnalité. Ou à l'esprit de la conscience. C'est un bobo avec nous autres de vouloir faire quelque chose. C'est un maudit bobo qu'on a. La vraie petite vérole. Quoi? Ça se guérit? Ouais. Le jeu entre la personnalité et l'ego est tellement raffiné qu'on les voit pas, les jeux de la personnalité. C'est effrayant. C'est ça, votre mémoire. Si quelqu'un dit qu'est-ce que c'est de la mémoire, c'est le lien entre l'ego et la personnalité. On n'est pas bien dans notre peau, on a toujours une petite tension. On a toujours une petite tension, tout le temps. On a toujours un pied dans l'avenir, puis un dans le passé. On n'est pas capable d'avoir les deux pieds dans le présent. On n'est pas confortable les deux pieds dans le présent. Il se passe rien, c'est plate. C'est bien trop intense le présent. Un petit pied dans l'avenir, ça te donne de l'espérance. Un petit pied dans le passé, moi. Ça te permet de voir les bonnes œuvres que tu as faites. Mais les deux pieds à présent, ça nous étouffe. Parce qu'il n'y a pas de mémoire à présent. Il y a un gars qui est venu me voir la semaine passée, il dit parent que il dit, tu donnes des cours pour devenir immortel. J'ai dit ouais, j'ai dit t'inscris-toi. Il dit tu charges 200$, j'ai dit ouais. Il dit, ouais, il dit ça a du bon sens. Il dit, c'est cher, mais il dit ça a du bon sens. Tu penses qu'il va pas sauter, mais qu'il vient dans les séminaires? Il veut devenir immortel, là. On n'est pas réaliste. On n'est pas réel. Il veut devenir immortel. Comment est-ce qu'un homme peut penser à vouloir devenir immortel? Ça se pense même pas une affaire de même. Vouloir devenir immortel. Tu comprends donc? Il veut devenir immortel, mais personne ne veut devenir immortel. Que les gens ne veulent pas mourir, je comprends ça, mais que les gens veulent devenir immortels, c'est un peu la même. Mourir, c'est plate, devenir immortel, c'est un saut en hauteur pour l'ego. De devenir immortel. Lui, ça va être le premier qui va me dire, c'est rien que ça qu'il a dit en fin de semaine, d'accord? Ouais. Il n'a pas la recette. La formule magique. La sécurité mentale, c'est un état d'intelligence. C'est de l'intelligence, la sécurité mentale. C'est de l'intelligence. Tu peux pas avoir de la sécurité mentale, tu peux pas avoir d'intelligence. L'intelligence te donne la sécurité mentale. Mais ça se façonne pas, la sécurité mentale. C'est pas psychologique, la sécurité mentale. Au contraire, c'est la destruction de tout ce qui est psychologique dans l'homme. Quand je vous dis, moi, que vous ne connaîtrez pas qu'est-ce que c'est de l'amour avant d'être dans les terres, parce que vous avez de la personnalité. Si vous étiez fusionné avant de rentrer dans les terres, là, c'est un autre élément. Mais tant que vous n'êtes pas fusionné, vous ne pouvez jamais connaître l'amour. Vous crèveriez. vous souffririez. Émotivement, vous pourriez pas le prendre. Vous videriez comme des sacs. La seule chose que vous pouvez avoir sur le plan matériel, c'est de l'intelligence, de la volonté, jamais d'amour. Les gens, ils viennent tout bouleversés quand je leur dis ça. Je disais, une fois, tu peux pas donner d'amour à des enfants. Il y en a qui sautent au de même quand je dis ça. Ce que vous pensez que c'est de l'amour, vous dites, c'est une conception humaine, c'est pas ça de l'amour. L'amour, ça peut pas exister sans intelligence, c'est impossible. Impossible. L'amour, ça va loin. L'amour, ça va être dans le temps. Dans le temps. Il faut que tu aies de l'intelligence pour pouvoir être dans le temps. Ça fait partie de l'intelligence de devoir être dans le temps. Si tu es obligé de retrancher quelque chose à quelqu'un pour son évolution, ça fait partie de l'amour, mais lui, il ne le voit pas. Lui, il pense que tu ne l'aimes pas. On retarde bien plus nos évolutions avec l'amour qu'on pense, nous autres, l'amour humain, qui est un sentiment émotif de l'amour qu'on s'imagine. S'il y a une force en tête qui retarde l'évolution des hommes, c'est bien l'amour humain. Et c'est un couteau à deux tranchants, ça aide à l'évolution progressive de la sexuelle. L'amour humain retarde l'évolution de l'homme, parce que l'amour humain empêche l'homme de vivre de sa volonté et de son intelligence. L'amour, ça attraque la personnalité. Arrone ça, la personnalité. Quelqu'un qui est en amour, il est bien. Tout va bien. Quand tu es en amour, tout va bien. Quand tu n'es pas en amour, là, ton chum te laisse, tout va mal. L'homme se nourrit de l'amour à tous les niveaux, des déchets de l'amour, parce que j'appelle ça des déchets. C'est comme l'intellect de l'homme, c'est des déchets de l'intelligence. La volonté de l'homme, c'est des déchets de la volonté. L'amour de l'homme, l'amour humain, le sentiment de l'homme, c'est des déchets de l'amour. Puis on se nourrit de ça. On se nourrit de déchets. Puis on pense que c'est du caviar. C'est quand on rentre un peu dans la conscience qu'on s'aperçoit que c'est des déchets. Puis c'est là qu'on développe de la volonté et de l'intelligence. Parce qu'on est obligé de se rafistoler, on est obligé d'arrêter de prendre nos personnalités au sérieux. On est obligé de faire des marques, on est obligé de créer des chocs, on est obligé de mettre la hache dans telle chose, qu'on n'aurait jamais fait avant, parce qu'on avait de l'amour humain, du sentiment humain. Ça prend, c'est ça de la sécurité mentale. Ça se questionne pas de la sécurité mentale, ça se mesure pas, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de direction. C'est un état d'esprit. Quand tu commences là, à sentir ça un peu de la sécurité mentale, tu le sais. Tu le sais. Quand tu commences à sentir ça de la sécurité mentale. Tu peux pas te faire. Tu peux pas te jouer de game. Faut qu'on apprenne avec le temps, faut qu'on réalise avec le temps qu'est-ce que. On va prendre Lévesque. Ça, c'est un bon exemple, Lévesque. Lévesque, c'est un bonhomme qui fait du travail avec les gens puis qui aide les gens à évoluer depuis des années de temps. Depuis des années de temps. Il y a bien des gens qui sont nés à un séminaire à travers de lui. Okay. Ça, c'est une étape de leur vie, puis c'est une étape de sa vie. Fait que Lévesque, il est bon, il fait un bon travail, il est sensible, il est psychique intérieurement. Il y a une bonne télévision, il voit, et puis tout ça, ça, OK. Autrement dit, Lévesque, c'est un petit maître pendant un certain nombre d'années. Fait que tu comprends, quand t'es un petit maître, t'es un petit maître. Puis un petit maître, ça se considère toujours un grand maître, parce que ça n'existe pas des petits maîtres. Fait que ça se prend pour un grand maître. Tout d'un coup, le grand maître, il part d'une expérience pour tomber dans une autre expérience, autrement dit, pour tomber dans un acheminement rapide vers la conscience universelle. Fait que tout ce qu'il a fait pendant ces années-là, qui est essentiel, qui était bon pour les autres, qui était bon pour lui, là, ça commence à tomber en pièces, puis ça tombe. C'est comme un char. T'as un beau char, là, tout d'un coup, des bouts tombent, des plugs tombent, des vitres pètent, tout pète. Au bout d'un certain temps, le char, il est comme la merde. Il n'y a plus rien qui reste. Fait que tu comprends que ça ne crée pas un maudit choc à la personnalité du petit maître, qui se pensait un grand maître. Parce que c'est normal qu'un petit maître se pense comme un grand maître, parce qu'il n'y a pas de mesure quand tu fais de la maîtrise de quelque chose. Il n'y a pas de mesure. La mesure, c'est toujours toi-même. Fait que là, la première étape, il pense qu'il comprend. La deuxième étape, il réalise qu'il pense qu'il comprend. La troisième étape, il pense que peut-être il ne comprend pas encore. Puis là, il avance, puis avance, puis avance, puis avance, puis avance, puis avance, puis avance, puis avance. Puis avance. Puis, ça n'arrête plus. Là, il va vers la sécurité mentale. Puis quand il rentre dans la sécurité mentale, là, il pense déjà qu'il y a la sécurité mentale. Tu ne l'as pas, la sécurité mentale. Mais que tu aies la sécurité mentale, tu m'en parleras même pas. Tu m'en parleras même pas. Tu vas dire, alors, quoi ça? Papa. Parce que quand t'es dans quelque chose, t'es pas dedans. C'est une loi universelle. Quand t'es dans quelque chose, t'es pas dedans. Ça, c'est une loi universelle. Pourquoi? Parce que la personnalité est plus là. Puis quand la personnalité est plus là, elle peut plus réfléchir sur rien parce qu'elle a plus de mémoire. Fait que quand t'as plus de mémoire, t'as plus rien. Fait que quand t'as plus rien, il n'y a plus de moi-même. Puis quand il n'y a plus de moi-même, il n'y a plus rien. C'est le vide. Puis là, après ça, t'as même plus la question dans la tête ou le mouvement dans l'esprit. Qu'est-ce que tu vas faire ou quoi c'est que tu vas faire ou tu vas te faire? Ça n'existe même plus. C'est même plus important. Là, t'es bien. Tout d'un coup, la vibration passe, tu fais quelque chose. C'est même plus toi qui le fais. Tu canalises l'énergie. T'es rendu un agent libre. Fait que quand t'as un petit maître qui se pense à un grand maître, arrive dans une autre phase de sa vie, s'il a la chance, il est chanceux. Lui, il est chanceux. Il est chanceux. Parce que c'est bien plus dur pour l'homme de passer de l'impression de la maîtrise à l'abolition totale de la mémoire quand il y a un maître que quand il ne l'est pas. La plupart des gens n'ont jamais eu de maîtrise dans quoi que ce soit. Au niveau spirituel, ou au niveau occulte, ou au niveau ésotérique. Mais quand tu es rendu là-dedans, là, les deux pieds là-dedans, puis tu as fait du travail là-dedans pendant des années de temps comme lui, puis là, la conscience rentre, là. Je te jure que c'est une expérience à vivre dans la vie. Puis si tu as la chance de vivre, t'es chanceux, maudit. Ça n'a pas de fait à conscience. Fait que la personnalité, faut qu'elle casse. Il faut qu'elle casse. C'est pas nous autres qui vont. C'est pas nous autres. C'est pas nos égos qui vont nous le faire casser. Il n'y a pas un égo qui va se faire casser sa personnalité, qui va se casser sa personnalité. Parce que pour qu'elle casse la personnalité, il faut qu'elle soit cassée par quelque chose, par une intelligence qui sait comment ça marche. Pas l'ego. L'ego, il sait pas comment ça marche, la personnalité. Elle joue des dos, puis elle joue des dos constamment. L'ego, il pense qu'il avance, puis il pense qu'il est rendu à un point, puis d'un coup, il s'aperçoit que deux semaines plus tard, paf, la masse encore, puis il avance, puis il est rendu à un point, puis paf, encore la masse qui passe dessus. Pour que l'ego en arrive à dire, là, pour que l'ego en arrive à dire qu'il est maître de la vie, faut qu'il soit bien sûr d'être sûr. Parce que je vous garantis que si vous vous dites dans votre tête que vous êtes maître de la vie, il y a une tuile qui va vous tomber sur la tête dans 3 jours, parce que c'est le cycle karmique minimal pour ça. Il y a une tuile qui va vous tomber sur la tête dans 3 jours, puis vous allez voir vos pensées subjectives et vos émotions flirter avec votre ego. Si vous dites ça va bien aujourd'hui, là, attendez-vous à ça aille mal demain. C'est des lois vibratoires. Fait que pour en arriver à dire ça va bien aujourd'hui, puis ça va aller bien demain, puis ça va aller bien la semaine prochaine, ça va aller bien dans 2 ans, puis ça va aller bien dans 4 ans, puis ça va encore mieux dans 10 ans, t'es mieux d'être sûr, Charlie. Ça, c'est être maître de la vie. Mais pour que tu sois maître de la vie, il faut que tu aies une maudite volonté de chien, puis une maudite intelligence de chien. Autrement dit, il faut que tu sois dans la conscience. Ça, c'est un point intéressant. Tant qu'on vit sur le plan matériel, il y a des interférences. Les interférences ne sont pas nécessairement liées à ta vie, à toi. Mais tu commandes un meuble chez Eaton, le gars t'arrive avec le meuble, il est brisé. Là, faut que tu le retournes. T'sais? Tu demandes au plombier venir ranger ta pipe chez vous, il la rentre, puis elle repisse encore le lendemain. Tu as toujours des interférences. Puis plus tu rentres dans la conscience, plus tu es sensible. Puis plus tu vois que les hommes n'ont plus de conscience. Ils n'ont même plus de conscience professionnelle, les hommes. Dans le monde aujourd'hui, il n'y aurait plus de conscience professionnelle. Fait qu'éventuellement, ta conscience, elle réalise l'inconscience, puis l'inconscience, puis l'inconscience. Puis plus tu es conscient, plus tu réalises la conscience. Plus tu montes dans la conscience, plus tu t'aperçois que la conscience en terre descend. Fait qu'éventuellement, des interférences, la chance pour avoir des interférences, puis avoir des tensions, est grande. Fait qu'il n'y a qu'une façon. Il n'y a qu'une façon de neutraliser les interférences, c'est d'être totalement en dehors de la forme. Totalement. Ta soeur, n'est pas là. Être en dehors de la forme, ça veut dire être un mental et un émotionnel qui est totalement stable, qui est totalement sous le contrôle de ta conscience à toi. Là, là, comment est-ce que les gens seraient bien inconscients et la waitress au restaurant à t'échappe de ta soupe sur tes pantalons? C'est rien, mademoiselle. Ben, le soir. Sans ça, tu passeras ta tête, ton temps à faire des guerres mondiales. Tu deviens électrique. Puis je vous le dis, hein? Puis moi, je vous parle tout pour demain, puis je vous dis qu'un jour, vous allez devenir électrique, vous allez comprendre ce que je veux dire, devenir électrique. Il va venir un jour, vous ne pourrez même pas sentir le monde, tant qu'il va vous fatiguer. Ça commence. Attends à 10 ans. C'est là que vous allez comprendre pourquoi quand je parle, vous retirez, puis vous retirez, puis vous retirez, puis vous retirez, puis vous retirez, puis vous retirez. Puis avoir votre puits d'eau, puis avoir votre machine qui fait votre propre électricité. Parce que, à un certain moment, c'est plus les valeurs de la vie là, qui te créent des chocs. C'est l'inconscient. Puis quand je parle d'inconscient, je parle d'inconscience de la planète. Les gouvernements, les systèmes, les agences, les organisations, les multinationales, tout, tapatant, tout, toute la vie s'attaque. Fait qu'à un certain moment, il n'y a qu'une façon pour toi d'être heureux, là, puis bien dans ta peau, bien calme, là, c'est de vivre, là, des petits besoins, bien sous ton contrôle. Tant que vous n'avez pas la sensibilité trop développée encore, ça marche. Bien un jour. Vous n'avez pas le choix. Vous devenez électrique. Quand tu vas dans un restaurant, tu, la waitress, elle vient à table, tu sais. Tu sens la vibration. Tu sais, quand tu viens, tant que tu connais le monde. Tu sais qu'elle veut te vendre une bouteille de vin. T'en veux pas de vin. Non, mais tu sais, mademoiselle. Elle veut t'en vendre encore. Moi, je suis assez bête, il m'a dit, mais emmenez-moi ça, mademoiselle, une bouteille de vin. Elle va me la porter, m'en prendre, m'en péter sa table. Il m'a dit, j'en veux pas de vin, chargez-moi là. Un pour y créer un choc. Cresse-moi la paix quand je dis non, c'est non! C'est ça la sécurité mentale. Là, t'es bien. Sa souffrance, tu te rends même. Pas souffrance psychologique. Les chiens en haut. Puis là, t'en parles de la conscience. L'homme, c'est un mystère à lui-même. Puis on le découvre, notre mystère. Laisse-moi le dire. Puis quand on l'a découvert, on le comprend. On le comprend, maudit. Oui, quand je vous dis qu'on est ignorant, je dis pas vous êtes ignorant, je dis on est ignorant. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de se faire emporter par notre personnalité. Il faut que ça parte, cette affaire-là, un jour. Puis les éléments, c'est ce que je vous ai expliqué à soir. C'est un vampire, la personnalité. Elle se nourrit d'ordures. Puis on s'inquiète tout le temps, on s'inquiète. C'est la personnalité qui s'inquiète. On s'inquiète tout le temps. Il y en a qui paniquent quand je leur dis ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, t'as l'air? Faut se nourrir. S'il y en a un qui vous a dit qu'il faut se nourrir, puis faut un toit, puis faut de l'argent dans les poches, puis faut du linge sur le ventre, c'est bien moins. Qu'est-ce que vous pouvez en avoir? Quand t'as de l'intelligence, tu grouilles. Mais les conditions sont autres que ce que vous pensiez, par contre. Autres. C'est la plus grande richesse de l'homme, la sécurité mentale. La plus grande. Puis ça a tout à fait atteint. Tu peux être seul sur une planète avec la sécurité mentale et tes mains. Mais ce qui a créé cette sécurité mentale-là, c'est la volonté de l'intelligence. Autrement dit, la conscience. S'il y en a qui sont encore en amour avec la conscience, un jour vous ne serez pas en amour avec elle. Faut que l'homme en arrive un jour à relaxer sur le plan matériel avant de rentrer dans la terre. Faut qu'il en arrive à relaxer. Puis tous ses nerfs, puis ses épines, puis ses épines, puis ses épines, puis ses épines, puis ses épines. Plus t'es sensible, plus t'es ses épines, mais vient un temps que tu vibres en maudit en dedans, tu deviens comme un volcan. T'es face aux tes épines. Puis c'est là que tu deviens intelligent et volontaire. Mais tant que vous n'avez pas goûté à ça, faut que tu reviennes. Tu peux pas être fusionné de l'autre bord. C'est tout des niaiseux de l'autre bord. Faut que tu reviennes ici. La fusion, c'est l'union entre le juste pensée et l'âme du mortel. Pas l'âme du mort. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des morts? Ils peuvent rien faire avec des morts. Faut qu'ils reviennent ici. Occupez-vous donc, vous autres. Essayez donc de faire fusion. Ça, c'est votre problème, vous. La fusion, puis les patentes tout à l'heure. Occupez-vous donc tout de suite. Vous avez des tempéraments philosophiques. Vous avez des inquiétudes spirituelles. Lâchez-les, vos maudites inquiétudes spirituelles. Moi, je suis assez content de ne pas avoir jamais vécu ça, cette affaire-là. Fatiguant, ça. C'est pas de nos affaires, la vie. On la subit, la vie, jusqu'à temps qu'on la subit plus. Puis quand on la subit plus, ben à ce moment-là, c'est parce qu'on s'en va automatiquement vers la fusion. Ah! Moi, on dit que c'est intelligent. C'est quand c'est plus de nos affaires qu'on vit bien. OK? OK? C'est ça. Moi, ma vie, c'est pas de mes affaires, c'est tout, je vis bien. Mais tant que c'est de nos affaires, la vie, on peut pas bien vivre. Parce que tant que c'est de nos affaires, notre vie, c'est notre personnalité qui a colore. Comment est-ce que tu veux bien vivre si ta personnalité colore ta vie? Tant que tu veux l'organiser toi-même. Ça prend de l'intelligence et de ta volonté pour donner une orientation à ta vie. Pas personnalité. Ben, c'est ça, je pense pas. Tu dépends. On va faire un petit break. entrer dans un domaine particulier de la réalité ce soir pour commencer à vous donner des indices sur la nature du réel, afin de vous permettre de comprendre jusqu'à quel point ça va l'intelligence, puis afin de vous permettre de comprendre jusqu'à quel point l'homme est en dehors de l'intelligence. Je voudrais d'abord commencer à vous expliquer qu'est-ce que c'est des pensées, vues d'un point de vue cosmique. Pour que vous puissiez réaliser l'importance de la sagesse mentale et aussi l'importance de la grande humilité dans le mental de l'homme. Quand je parle de l'humilité dans le mental de l'homme, je parle de la réalisation chez l'homme qu'il forme un tout avec un très vaste univers et que ce tout avec lequel il forme est infini et que l'homme, par le fait même, est automatiquement infini. L'homme doit pouvoir se dévaloriser avant de pouvoir se valoriser. C'est important pour l'homme de se valoriser, mais il ne peut pas se valoriser avant qu'il s'est dévalorisé. Et la dévalorisation chez l'homme commence au niveau de sa personnalité. Lorsque l'homme passe du niveau de la personnalité au niveau de la prépersonnalité dans l'intelligence, la personnalité qui est humaine et la prépersonnalité qui est dans l'intelligence, une manifestation d'intelligence en lui, à ce moment-là, il commence à comprendre et à réaliser les domaines du pouvoir de l'intelligence. Et il commence à pouvoir réaliser au fur et à mesure qu'il avance dans le temps jusqu'à quel point il est nécessaire dans le schéma des choses. Alors, pour commencer ce dialogue-là, que je vais probablement continuer dans les semaines à venir, je vais établir une chose. C'est que pour que l'homme puisse entrer dans le domaine de l'intelligence, qui est un très vaste domaine, il doit être absolument sûr de son intelligence. C'est-à-dire qu'il doit être absolument sûr, point final. Vous ne rentrerez jamais dans votre intelligence si vous n'êtes pas absolument sûr. Puis être absolument sûr, c'est être totalement sûr de ce que l'on dit. En étant totalement sûr de ce que l'on dit, on permet à l'intelligence de passer à travers notre mental et à s'exécuter sur le plan matériel. Mais pour être sûr de ce que l'on dit, il ne faut pas avoir d'émotion qui brouille cette certitude. Alors, un homme qui est dans l'intelligence, automatiquement, ne peut pas avoir d'émotion parce que l'émotion va brouiller la certitude de son mental et automatiquement, il ne sera pas dans l'intelligence. Il va être dans la pensée. Un homme qui est dans l'intelligence n'est jamais dans la pensée. Dans la pensée, dans l'intelligence, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée dans l'intelligence. Où il y a de la pensée, l'homme n'est pas dans l'intelligence. Il est dans l'astral. Et il y a une chose qui doit être corrigée pour les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, c'est que les ésotéristes ont séparé les mondes en plans. Hein? Plan astral, plan mental, blablabla. Et la séparation de ces plans-là est une expérience. Ces gens-là ont fait des expériences dans des plans. Et ils ont séparé les plans d'après leur expérience. Et on ne peut pas séparer les plans ou les mondes d'après l'expérience qu'on a de ces mondes-là, parce que les mondes auxquels on a expérience quand on entre dans l'esprit des corps que nous possédons, de nos principes, sont toujours des mondes qui sont contrôlés par une forme quelconque. Je te dis ça, je parle à toi, mais je voudrais en reparler avec toi après. Okay. C'est important que j'aimerais ça que tu t'absorbes tout ça, parce que ça va servir plus tard. L'homme ne peut pas diviser les mondes parce que les mondes ne sont pas divisibles. Si l'homme divise les mondes, à ce moment-là, automatiquement, il est dans l'intelligence de la pensée. Et en étant dans l'intelligence de la pensée, il se rapporte à l'intelligence de l'émotion, de la pensée, de la forme, dans les mondes où il se trouve. Et lorsque l'homme se trouve dans l'intelligence des mondes, de la pensée, il est automatiquement obligé de s'infliger un certain karma. Parce que dans le monde de la pensée où il se trouve, des mondes qui possèdent une forme quelconque, il est obligé de s'allier à quelqu'un, à un être ou à un être passager dans ces mondes-là. Quand vous allez dans l'astral, par exemple, sur les hauts plans de l'astral, as-tu remarqué, tu rencontres toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Tu n'es jamais là totalement tout seul. Il y a toujours quelqu'un. Soit qu'il passe bien vite, tu ne le vois pas, ou il est là, mais il y a toujours quelqu'un. Et le fait qu'il y a toujours quelqu'un veut dire que tu es déjà dans le monde de la pensée. S'il n'y avait pas personne, tu serais en dehors du monde de la pensée. Tu serais dans la grande solitude cosmique. Tu serais en fusion. Alors, la pensée, tant qu'un homme est dans la pensée, il ne peut pas être dans l'intelligence, parce que l'intelligence, ça ne pense pas. L'intelligence, ça ne pense pas. L'intelligence est une énergie qui, lorsqu'elle passe par certains plans, crée ce qu'on appelle de la pensée. De sorte que dans la pensée, ce n'est jamais réel. Alors, si la pensée n'est jamais réelle, ce qu'elle fait, la pensée, ce qu'elle crée, la pensée, n'est jamais réel. De sorte que tant que l'homme pense, il ne peut pas être dans le réel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans l'intelligence. Et la pensée, elle est faite d'un certain nombre de choses. La pensée, elle est faite de couleurs. Elle a une forme. Elle a un dynamisme. Elle a un dynamisme qui lui permet de se déplacer dans le temps. Et elle a aussi un centre de gravité qui lui permet d'être rattaché à la personne qui l'a émise dans le temps, qu'il soit mort ou vivant. Autrement dit, lorsque vous faites une pensée, lorsque vous créez une pensée, vous êtes toujours responsable de cette pensée-là, que vous soyez mort ou que vous soyez vivant. Parce que cette pensée-là fait partie de votre mémoire. De sorte que quand vous allez dans les mondes, sur les plans astraux, ce que vous retrouvez dans ces plans-là, ce que vous voyez, ce que vous vivez dans ces plans-là, est toujours conditionné par vos pensées antérieures et présentes. De sorte qu'un voyage astral est toujours conditionné par l'état de karma dans lequel vous vous trouvez, automatiquement. C'est essentiel à l'homme de demain de ne pas pouvoir penser, afin de ne pas pouvoir créer de mémoire, afin de ne pas pouvoir être soumis à la loi de karma de la pensée. Parce qu'une pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, inflige toujours du bon ou du mauvais, ou autrement dit, une bonne vibration ou une mauvaise vibration dans l'univers. Si la pensée, elle est bonne, elle va infliger une bonne vibration. Si elle est mauvaise, elle va infliger une mauvaise vibration. Mais le danger, c'est que la pensée crée toujours une connexion avec un autre mental. De sorte que si tu penses quelque chose que soit bon, il y a quelqu'un qui va être affecté. Si tu penses quelque chose qui est mauvais, il y a quelqu'un qui va être affecté. Automatiquement, tant que l'homme pense, il réduit l'évolution et empêche l'évolution de l'humanité. Alors, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais en pensée, vous retardez l'évolution de l'homme. Je vous souligne ça simplement pour vous faire réaliser l'importance de la nature de l'intelligence. Pour amener vos personnalités à réaliser la nécessité de se disloquer de l'ego. Une fois que vos personnalités se disloquent de l'ego, qu'il y a une séparation de vos personnalités puis votre ego, à ce moment-là, les mécanismes qui retiennent votre personnalité à votre ego brisent et éventuellement vous perdez la mémoire. Fait qu'éventuellement vous perdez la faculté de penser. Et lorsque vous perdez la faculté de penser, à ce moment-là, vous ne créez plus ces formes-là, ces formes d'énergie-là, qui ont tendance à retarder l'évolution de l'homme, que ce soit à votre insu ou contre votre insu. Vu du point de vue de la lumière, vu du point de vue de l'intelligence, la pensée, c'est une des plus grandes erreurs qui n'a jamais été commise dans le cosmos. C'est une erreur parce que la pensée ne peut jamais venir de la lumière. La pensée vient toujours et elle est toujours conditionnée par ce que les gens appellent les ténèbres, autrement dit, les mondes inférieurs de la lumière. Alors, du point de vue des êtres qui sont dans la lumière, la pensée, c'est une erreur. C'est une erreur très fondamentale, c'est une erreur qui n'est pas grave, parce que tout doit revenir à la perfection, mais c'est une erreur qui est fondamentale parce qu'elle a permis que l'homme devienne un jour conscient de lui-même. Si l'homme n'était jamais venu conscient de lui-même, l'homme serait dans la lumière aujourd'hui et l'homme serait autre. Et la raison pour laquelle je vous explique l'affaire de la pensée, c'est pour vous faire réaliser simplement par vibration, parce que ça saisit pas psychologiquement. Mais c'est pour vous faire réaliser par vibration l'importance de comprendre que vos personnalités sont simplement des parties d'une expérience nécessaire à votre expérience aujourd'hui, mais qui un jour devra totalement être lavée de la mémoire de l'âme. Un jour, ceux qui vont vers la lumière, vers l'éther, devront vivre l'absence totale de la conscience de la personnalité. Parce que la personnalité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle est liée à une mémoire, autrement dit, elle est liée à un certain karma, et l'homme ne peut pas rentrer dans la lumière avec du karma, autrement dit, ne peut pas rentrer dans la lumière avec une dette, c'est-à-dire avec un déséquilibre dans la vibration de son mental, de son émotif ou de son vital. Ces centres-là doivent être parfaits. Et c'est cette condition-là qui permet à l'homme de rentrer dans l'éther. La pensée sur la Terre aujourd'hui, dans notre civilisation, on la conçoit comme étant un atout parce qu'elle donne à l'ego un semblant de réalisation. Elle donne à l'ego un semblant d'activité mentale. Elle donne à l'ego un semblant de valeur psychologique. Elle rassure la personnalité. Mais dans le fond, la pensée tue l'énergie de l'âme dans l'homme. Elle le tue. Et quand je dis que la pensée tue l'énergie de l'âme dans l'homme, je dis que la pensée bloque l'énergie de l'âme dans l'homme. Et en bloquant cette énergie-là, elle empêche l'homme de pouvoir, à un certain moment, se réaliser comme étant un être parfait. Parce que l'ego, par la pensée, ne peut pas se réaliser comme étant parfait parce que la pensée est imparfaite. Comment veux-tu te réaliser comme étant un être parfait? Comment peux-tu te réaliser comme étant un être parfait si tu penses? C'est impossible. La pensée est déjà imparfaite. Parce que la pensée ne vient pas de lumière. Alors, c'est important pour l'homme. Si un homme qui rentre, qui va vers la lumière, qui s'achemine vers la lumière, est obligé au fur et à mesure qu'il s'achemine vers la lumière de réaliser de plus en plus sa perfection, c'est-à-dire de réaliser de plus en plus qu'il a raison, c'est-à-dire de réaliser de plus en plus sa sécurité mentale. Ça se tient tout. Puis tant qu'il y a trop de personnalité, tant qu'il y a trop de pensée, il ne pourra pas réaliser ça parce que sa pensée va l'empêcher. Sa pensée va créer en lui le doute psychologique. Et en créant en lui le doute psychologique, elle va diminuer sa conscience réelle. Et en diminuant sa conscience réelle, elle va diminuer sa conscience du réel. Puis en diminuant sa conscience du réel, elle diminue son intelligence. Étant diminué dans son intelligence, il n'a plus de pouvoir. Parce que le pouvoir de l'homme, c'est l'intelligence. Et quand je dis que le pouvoir de l'homme, c'est l'intelligence, je veux dire trois choses. Je veux dire qu'à l'aide de l'intelligence, l'homme découvre le principe de la volonté, puis à l'aide de l'intelligence, l'homme comprend le principe de l'amour. Alors, l'intelligence est essentielle pour l'homme, parce que c'est le premier principe qui délie la mémoire de l'homme et qui introduit l'homme à l'infinité de sa conscience parfaite. Lorsque l'homme entre dans sa conscience parfaite, il comprend la nature de la volonté, il comprend la nature de l'amour, et il n'est plus impliqué dans le désir de la volonté au niveau de la personnalité ou le désir de l'amour au niveau de la personnalité. Il est simplement impliqué dans le mouvement de l'énergie de l'intelligence, et à ce moment-là, il détruit en lui tout ce qui est contaminé dans son amour et dans sa volonté, et automatiquement augmente sa volonté et augmente sa capacité, non pas d'aimer, mais de connaître les lois de l'amour dans les terres.